إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le lundi 5 Ramadan. نعم, on est déjà le 5 Ramadan et les jours de Ramadan vont défiler de cette manière et on a un laps de temps, on a un clin d'œil, ça sera la fin de ce mois béni, de cette saison du bien dans laquelle les œuvres sont meilleures que dans le reste de l'année. Et Ramadan, comme vous savez dans sa définition linguistique, c'est al-imsak, c'est l'abstinence. Ramadan, c'est de ne pas faire. En arabe, ça signifie ça, al-imsak, s'abstenir. C'est pour ça, et dans la piété de manière générale, car Ramadan sert parmi les meilleures causes pour réaliser at-taqwa, pour atteindre at-taqwa. Et taqwa d'une manière générale, comme il a été rapporté de beaucoup de salafs comme Omar ibn Abdelaziz et autres, taqwa, c'est pas de multiplier les bonnes actions. C'est pas de jeûner le jour et de veiller la nuit en salat. Taqwa, tout d'abord, ça veut pas dire que ces choses-là ne font pas partie de taqwa. Mais c'est pas ça la base de taqwa. La base de taqwa, c'est l'abstinence. C'est le délaissement de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. C'est pour ça, ça doit être ça la priorité du croyant dans ce mois béni, de s'éloigner de tous les péchés et de tous les interdits, et même des choses détestables. Et subhanallah, on constate tous qu'il y a des choses qu'on a du mal à délaisser, malgré qu'on souhaite les délaisser. Si on n'y arrive pas pendant Ramadan, quand est-ce qu'on va y arriver? Et pendant Ramadan, où il y a cette grande facilité pour tous les croyants, même pour les personnes à la base qui ont une faiblesse, tu constates que pendant Ramadan, ils deviennent forts. Ils font salawat à la mosquée. Lakin, comme j'ai dit, la base et la priorité, c'est au délaissement de tout ce que Allah t'a interdit. Et si tu peux faire davantage de bonnes actions, c'est meilleur pour toi. Et c'est complémentaire dans taqwa. Mais la base de taqwa, c'est al-kaf. C'est pour ça le plus grand adorateur, c'est celui qui délaisse tout ce que Allah lui a interdit. Et ce mois de Ramadan est une occasion où on a énormément de facilité avec tous ces shayatines, surtout les plus virulents parmi eux, qui sont enchaînés, où le mal diminue, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend en abondance sur ses serviteurs, ainsi que ses grâces et ses bienfaits. On doit tous saisir cette occasion. Cette opportunité, peut-être qu'il ne reviendra jamais. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Car les occasions, quand on les rate, en général, elles reviennent jamais. Et les opportunités du bien passent très rapidement. Regardez déjà, on a l'impression qu'ils nous ont annoncé hier Ramadan, aujourd'hui on est dans la cinquième journée et cette nuit nous allons faire la sixième nuit de Tarawih, Inch'Allah. Qu'Allah prolonge notre vie à tous dans son obéissance, qu'Allah nous facilite le bien et nous éloigne de tout ce qu'il a interdit, même les choses détestables. Qu'Allah nous le facilite à tous et nous comble avec son bienfait en acceptant de nous ce qu'il nous a permis et ce qu'il nous permet dans ce mois et dans toute notre vie jusqu'à le rencontrer, subhanahu wa ta'ala, sur l'unicité pure et l'attachement à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, mes très chers frères et sœurs, nous allons poursuivre avec la biographie de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'on avait déjà commencé hier. Afwan, j'ai dit la biographie. Nous, on parle des mérites. Il y a une différence. Dans les mérites, forcément, on aborde plusieurs points de la biographie. Lakin, la biographie, ce n'est pas la même chose que les mérites. Donc, parmi ces mérites qui ont été rapportés de l'émir des croyants, Al-Farouq, celui qui a été une distinction entre le bien et le mal, Al-Farouq, radiyallahu anhu, Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, parmi ce qui a été rapporté dans ses mérites, d'une manière authentique toujours, selon Ibn Umar, son fils, il a dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit, إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر على قلب عمر ولسانه. الله سبحانه وتعالى fait que la vérité sort, a fait que la vérité, Allah سبحانه وتعالى fait que la vérité sort de la bouche de عمر et de son cœur. Il a placé la vérité dans son cœur est sur sa langue. C'est pour ça, Ibn Umar, il a commenté ce hadith en disant, il n'est jamais arrivé aux croyants une chose dans laquelle Umar s'est prononcé sans que ce soit comme il a dit, et que le Coran descend avec le même avis que Umar a donné. Et ça, c'était d'une manière générale, c'était comme ça. Comme on a vu, il peut y avoir quelques exceptions, mais d'une manière générale, c'était un mulham. Il était inspiré. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que quand il parle avec la vérité. Radiallahu anhu arda. Selon Rodaïf ibn al-Harith, un jour il est passé devant Umar ibn al-Khattab. Et Umar a dit, quel bon garçon Rodaïf. Et Rodaïf c'est un tabi'i, ce n'est pas un sahabi. Ensuite, Abu Dhar, qui est un compagnon, a rencontré Rodaïf. Il lui a dit, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala en ma faveur. Demande à Allah de me pardonner. Il lui a dit, t'es le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est toi qui es plus à même d'invoquer Allah pour qu'il me pardonne. Il a dit, j'ai entendu Umar ibn al-Khattab dire, quel bon garçon, Rodaïf. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que la vérité sort de la bouche de Umar et de son cœur. Allahu Akbar. Et Abu Dhar, c'est pas seulement un compagnon, c'est un grand compagnon, c'est parmi les premiers dans l'islam. Il est de la tribu de Rifar, Abu Dhar al-Rifari. Il est venu à la Mecque avant que le Nabi Aïssa al-Salam ne commence à propager ouvertement sa da'wa. Et il est resté plusieurs jours à surveiller, en espérant rencontrer le prophète alayhi al-Salam. Car il a entendu parler d'un messager qui est sorti à Mecca. Mais il ne pouvait pas chercher clairement et ouvertement par crainte de représailles de la part des mouchriquines, car il faisait du mal à toute personne qui cherche à rentrer en contact avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et lui, il est resté presque 13 jours à Mecca, dans lesquels il ne buvait que l'eau de Zamzam. Il a dit, j'ai eu des plis au niveau du ventre. Yani, il a pris du poids, rien qu'avec l'eau de Zamzam. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, il dit, Zamzam, ta'am ou ta'min, wa shifa ou soqm. Zamzam, c'est une nourriture et un remède. Et ça, yani, c'est quelque chose de constater chez les compagnons, radiyallahu anhum. Leur seul souci, c'est de suivre la vérité. Peu importe pour lui. Même s'il revient un tabi'i, alors que lui, c'est un compagnon, il ne dit pas, non, moi, je suis un degré supérieur. Pourquoi je lui demande? Leur quête, c'était la vérité et le bien partout qu'il soit. Radiyallahu anhum. Aussi un autre hadith, selon Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, « Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umara wa qalbihi. » Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la vérité sort du cœur de Umar et de sa langue. Et selon la mère des croyants, Aisha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « Ma kana nabiyun qatt » إلا في أمته معلم أو معلمان وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب إن الحق على لسان عمر وقلبه. Donc selon Aïcha رضي الله عنها, النبي عليه الصلاة والسلام a dit, dans chaque communauté, dans laquelle a été envoyé un prophète, il y a eu des hommes, on peut dire inspirés, enseigné, à qui Allah a donné l'enseignement directement, inspiré, sans qu'il y ait un ou deux, comme ça, dans chaque communauté dans laquelle a été envoyé un prophète. Et il a dit, s'il y a quelqu'un ainsi dans ma communauté, alors c'est Umar ibn al-Khattab, car la vérité est sur sa langue et dans son cœur. Un autre point très important dans les mérites de Umar, radiyallahu anhu. Umar était la porte des fitanes, la porte qui était fermée contre tous les troubles et toutes les tentations. Umar, radiyallahu anhu, était une porte fermée contre toutes ces tentations et ces troubles. Et avec sa mort, cette porte non seulement elle s'est ouverte, mais cette porte a été cassée et brisée. Donc, elle s'est ouverte à jamais. Et il n'y a plus possibilité de la refermer. Donc, il a été rapporté selon Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Il a dit, un jour on était auprès de Umar, radiyallahu anhu, et il a dit, qui d'entre vous mémorise un hadith du messager d'Allah alayhi salatu wassalam au sujet des tentations et des troubles? Hudhayfa a dit, moi. Umar lui a dit, t'es audacieux, t'es courageux. Il a dit, dis alors. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, la tentation de l'homme dans sa famille et dans ses biens et dans sa personne et ses enfants et son voisin est expié par le jeûne, la salat, l'aumône, l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable. Donc, la tentation qui met l'homme à l'épreuve à travers ces choses-là, à travers sa personne, à travers sa famille, ses enfants, nos biens, tout ça, c'est une épreuve pour nous. C'est un test. Est-ce qu'on va, si on prend un exemple par rapport à nos enfants, est-ce qu'on va s'occuper de nos enfants et les élever dans la conformité à la sunna, aux enseignements de l'islam, ou parce qu'on veut l'argent, on va fermer les yeux sur leur éducation religieuse et puis on va accepter certaines choses et on va faire des compromis, tout ça pour un salaire, pour un travail. Ou la priorité pour nous, ça sera cette amana qui nous a été confiée, nos enfants. Et tu peux dire de même pour le reste. Donc ça, ce sont des épreuves pour le croyant. Mais cette épreuve-là, elle est expiée par les adorations. Les adorations sont une expiation des négligences qui puisse y avoir. La perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même tu es attaché à la bonne éducation de tes enfants, forcément il va y avoir des failles, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des choses de ce genre. Donc tout ça est expié par les nombreuses adorations, telles que salat, telles que le jeûne, l'ordre du convenable, l'interdiction du blâmable. Omar radiallahu anhu lui a dit: c'est pas à ce sujet que je t'interroge. Omar radiallahu anhu lui a dit: c'est pas à ce sujet-là que je t'interroge. Je t'interroge au sujet de l'fitna qui vallonne et qui emporte violemment comme les vagues de la mer. Il lui a dit: c'est pas cette fitna-là. Ça, c'est une petite fitna. Je t'interroge au sujet de la grande fitna qui est semblable à des vagues de la mer qui emportent violemment les gens. Hudhayfa lui a dit: pourquoi tu demandes au sujet de cette fitna? Tu n'as rien à voir avec cette fitna. Il voulait lui dire: elle ne te touchera pas. Il lui a dit au émir des croyants: il y a entre toi et cette fitna une porte fermée. Omar lui a dit: est-ce que cette porte sera cassée ou ouverte? Il lui a dit: cassée. Omar a dit: donc elle ne sera plus jamais refermée. Regardez la compréhension. Ensuite, Hudhayfa radiallahu anhu, il a été interrogé par les autres: est-ce que Omar savait qui était cette porte? Il disait oui. Mais ils n'ont pas osé lui poser la question. Par respect, ils n'ont pas osé lui poser la question: qui est cet homme qui représente cette porte fermée contre les fitnes? Jusqu'à ce que Masrouq, un de ses élèves, un tabi'i, ils lui ont demandé de lui poser la question. Effectivement, il lui a posé la question. Il a dit: la porte, c'est Omar radiallahu anhu. Donc, avec la mort de Omar radiallahu anhu, la porte de l'fitan s'est ouverte contre cette communauté. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça, après lui, il y a eu le premier assassinat d'un calife musulman par le Khawarij. Omar Uthman radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu avait très peur de ce qu'il a vécu après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il avait très peur de sa vie après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté de Abu Burda, selon son père Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari est un compagnon. Et Abu Burda aussi. Wallahu a'lam. J'ai un doute, lakin Wallahu a'lam, c'est un sahabi aussi. Donc, Abu Burda, le fils de Abu Musa al-Ash'ari, il a dit à Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab, qu'Allah les agrée. Il lui a dit: est-ce que tu sais ce que mon père a dit à ton père? Il lui a dit: est-ce que tu sais ce que Umar ibn al-Khattab a dit à Abu Musa al-Ash'ari, mon père à ton père? Il lui a dit non. Il lui a dit, mon père a dit à ton père, ô Abu Moussa, est-ce que t'aimerais que notre islam avec le prophète alayhi salatu wassalam, il va lui citer un nombre d'actes qu'ils ont accomplis avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, est-ce que t'aimerais que tout ça soit préservé et que tout ce qu'on a fait après, que ce soit ni pour nous ni contre nous. On s'en sort, yani, sans rien contre nous, ni pour nous, que ce soit ni comptabilisé pour nous, ni contre nous. Il lui a dit, est-ce que tu aimerais ça? Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, il a dit non, par Allah, après le, et parmi les actes qu'il lui a cités, il lui a dit, notre islam, notre émigration, notre combat, derrière le prophète alayhi salatu wassalam, et tous nos actes qu'on a fait avec lui. Abu Moussa al-Ash'ari lui a dit non. Par Allah, après le prophète alayhi salatu wassalam, on a participé dans le jihad, dans fi sabilillah, et on a fait salat, et on a jeûné, Ramadan, et on a fait beaucoup de bien. Et beaucoup de gens sont entrés en islam par notre cause. J'espère aussi la récompense de tout ça. Ensuite, Omar lui a dit, par contre, moi, j'aimerais juste que ce que j'ai fait avec le prophète alayhi sallam me soit préservé. Et non pas taché par ce qui s'est passé par la suite, après sa mort. Donc, il fait la différence entre la phase avec le Nabi alayhi sallam et la phase après le Nabi alayhi sallam. Et ça démontre une compréhension profonde de la part du guide des croyants, Omar ibn al-Khattab. Quand Abdullah ibn Omar il a dit ça à Abu Burda, Abu Burda a dit, ton père était meilleur que mon père. Ton père était meilleur que mon père. C'est-à-dire Omar était meilleur que Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhuma, dans cette compréhension profonde et minutieuse. Là, ce qui s'est passé après, c'est pas comme ce qui s'est passé avec le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Avec le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup de sincérité, il y avait très peu de dunya. Alors qu'après le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a dominé la quasi-totalité de la terre et ils ont conquis énormément de pays, ils ont eu énormément de richesses et dunya s'est ouverte pour les compagnons radiallahu anhum. Donc ça c'est plus risqué que comme c'était avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté de Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, c'est un de ceux qui était à Mecca et qui était sur le monothéisme avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. C'était une communauté à lui seul. Il a cherché à être sur la religion de Ibrahim alayhi salam. Il était sur Tawhid. Nabi alayhi salam a dit de lui que c'est une communauté à lui seul. Il adorait Allah avec des adorations qu'il avait yani, trouvées ou là, des choses comme ça. En tout cas, il n'était pas dans le shirk de Quraysh. Il était sur Tawhid. Il méditait beaucoup sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala et en son unicité. Donc cet homme-là sera ressuscité le jour du jugement dernier, une communauté à lui seul. Il s'appelle Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Son fils Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, un des 10 annoncés au paradis. Il dit, et Saïd ibn Zayd, c'est l'époux de Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Et c'est parmi les premiers dans l'islam, Saïd et son épouse Fatima. Et Omar, il ne savait pas qu'ils étaient musulmans. Mais un jour, il est sorti de chez lui, il était en colère, il avait son arme. Un homme parmi les musulmans l'a vu et il ne savait pas que c'était un musulman. Mais il l'a vu dans cet état, il a eu peur qu'il se dirige vers le Nabi alayhi salam en voulant le tuer. Il lui a dit, où est-ce que tu vas? Il a dit, pour tuer cet homme qui a divisé Quraysh. Il parlait du messager d'Allah alayhi salam. Cet homme lui a dit, commence d'abord par les membres de ta famille qui l'ont suivi. Donc un mal moindre. Il l'a renvoyé vers quelque chose de moindre. Et effectivement, Omar s'est rendu chez sa sœur. Il a toqué et ils lui ont ouvert la porte. Et il les a trouvés en train de lire le Coran. Il a voulu voir ce que c'est ce Coran. En tout cas, l'histoire elle est un peu longue. Et c'était la cause de son islam. C'était parmi les causes. Il y a eu plusieurs causes qui ont mené Omar radiallahu anhu vers l'islam. Et ça, c'est la dernière de ces causes-là, suite à laquelle il s'est rendu chez le prophète alayhi salam et il a annoncé son islam. Donc, Saïd ibn Zayd, il dit, radiallahu anhu, il disait, quand il est parti s'installer dans la ville de Kufa, en Irak, il disait dans la mosquée, par Allah, Omar me ligotait avant qu'il ne devienne musulman. Et il a dit, et si la montagne de Uhud devait s'écrouler suite à ce que vous avez fait à Uthman ibn Affan, yani, elle peut s'écrouler. C'est tellement grave ce que vous avez fait à Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. C'est ce qu'il veut dire. Le sens, c'est ça. Yani, ils l'ont tué, radiallahu anhu, en plein récitation du Coran, en état du jeûne, radiallahu anhu, warda, martyr, fi sabilillah. Abdullah ibn Mas'ud a dit, et ça on l'a vu précédemment, il a dit, depuis l'islam de Omar, on est devenu fort et puissant. Et avant, les musulmans, ils n'osaient pas montrer leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore moins de venir faire salat devant le Kaaba. Mais depuis que Omar est entré en islam, ils ont pu le faire. Abu Uthman a rapporté que Abdullah ibn Omar, quand on lui disait qu'il a émigré avant son père, il se mettait en colère, car c'est pas vrai. Il n'a pas immigré avant son père, Omar ibn al-Khattab. Il n'a pas immigré avant son père, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et il expliquait que ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait le pacte d'allégeance au prophète, alayhi salatu wasalam, avant son père. Et l'histoire, c'est qu'il a, son père l'a envoyé voir est-ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, était déjà réveillé pour venir lui faire le pacte d'allégeance. Il est parti, il l'a trouvé en train de se reposer. Il l'a renvoyé une deuxième fois et il l'a trouvé assis. Donc, Abdullah ibn Omar, il n'a pas attendu de revenir et d'avertir son père pour qu'il vienne pour faire le pacte d'allégeance. Non, il a fait le pacte d'allégeance tout de suite et après il est parti informer son père. Et puis son père est venu, il a fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salam, et Abdullah ibn Omar, il l'a fait une deuxième fois. Regardez l'adab et la sagesse. Donc Abdullah ibn Omar, il s'est empressé vers le bien. Pourquoi retarder son pacte d'allégeance au prophète alayhi salam? Il ne sait pas ce qui peut se passer. Et aussi parce que de retarder cela n'a aucun intérêt pour son père. Ça va rien changer pour son père. C'est pour ça qu'il l'a fait de suite et il a averti son père. Et après, il l'a fait une deuxième fois par respect à son père. Il l'a fait après lui. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est le pacte d'allégeance avant son père, mais pas l'hijra. L'hijra, ils ont émigré ensemble. Ils ont émigré ensemble. Hudhayfa ibn al-Yaman, il rapporte qu'un jour, ils ont demandé à Omar de faire salat sur une janaza, sur un mort. Et Omar est sorti pour faire salat sur cette janaza. Hudhayfa, radiallahu anhu, il l'a interpellé, il lui a dit, ne le fais pas, car c'est un hypocrite. » Omar lui a dit, « Je te demande par Allah, dis-moi, est-ce que moi je fais partie des hypocrites ?» Il a dit non, et « Je n'innocenterai personne après toi. » Regardez ces hommes, c'est incroyable. Si ce n'est pas rapporté authentiquement, peut-être on n'arriverait pas à le croire. Un homme comme Omar dans l'islam, il a peur de l'hypocrisie. Et c'est réel. C'est pas pour faire style, comprenez ça. C'est réel. Et on va comprendre pourquoi le croyant, quand sa foi augmente, quand ses œuvres se multiplient dans l'islam, il arrive à un état comme celui-là. Et on va le comprendre, Wallah alam, vers la fin de ce cours, Inch'Allah. Abdullah ibn Abbas a dit que Omar ibn al-Khattab, après chaque salat, quand il était le gouverneur, après chaque salat, il s'assoit un petit peu après la fin de la salat dans la mosquée pour que les gens viennent le voir. Ceux qui avaient des demandes, qui avaient des besoins, qui avaient des sollicitations, ils venaient le voir et ils lui demandaient. Et s'il n'y avait personne qui lui demande, il rentre chez lui. Ensuite, il a fait un certain nombre de salawats d'affilée, après lesquels il ne restait pas dans la mosquée comme son habitude. Ibn Abbas a cru qu'il était malade ou qu'il avait quelque chose. Il est allé le voir, il lui a dit, « Est-ce que tu es souffrant de quelque chose, d'une maladie ?» Il a dit non. Et ensuite, Uthman ibn Affan est venu chez Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar lui a dit à lui, ainsi qu'à Abdullah ibn Abbas, il les a emmenés dans un endroit où il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Et c'était réparti en deux parties. Il a dit à chacun, « Prends ce que tu veux de cet argent et de ces biens, et les choses dont on n'a pas besoin, laisse-les. » Uthman, il a pris un peu comme ça, et après est venu Abdullah ibn Abbas, dans la deuxième partie qui lui était réservée, il s'est agenouillé et il a tout pris. Il a dit à Omar ibn al-Khattab, « S'il me manque quelque chose, je vais te demander. » Et pourquoi il les a spécifiés avec ça ? Car ils avaient des familles très très nombreuses. Radiyallahu anhuma. Et quand il lui a dit, s'il me manque quelque chose, je viendrai te le réclamer, Omar ibn Khattab a dit à Abdullah ibn Abbas, هذه شنشنة من أخشن. C'est comme ça que c'est rapporté dans l'Ahadith. Malgré que les savants de la langue arabe, ce qu'ils rapportent des Arabes, c'est pas شنشنة من أخشن, mais شنشنة من أخزم. Un homme, c'est le prénom d'un homme. يعني, en voulant lui dire, que tu ressembles à ton père. Yani, une pierre d'une montagne. Une pierre d'une montagne. Yani, tu sors, t'es aussi intelligent que ton père. Une expression pour donner ce sens-là. Tu ressembles à ton père dans son intelligence, dans ce que t'as fait. Et ensuite, Omar, a dit à Abdullah ibn Abbas, si cette richesse était donnée au prophète alayhi salatu wassalam. Afwan. Il lui a dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam, ses compagnons, ils mangeaient très peu, ils se contentaient de très peu, ils étaient dans une pauvreté extrême, est-ce que ces biens étaient déjà en la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala, Il a dit oui, naam. Yani, Omar, comme s'il voulait dire, s'il y avait un bien dans ces choses-là, Allah les aurait donnés à son prophète, alayhi salatu wassalam, et à ses compagnons les plus sincères. Il y en a, comme on a vu, ça c'est la période de la sincérité maximale. Il n'y a aucun intérêt, aucun profit. Tu deviens musulman, tu es combattu de partout. Yani, tu ne rentres que si c'est pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à quand l'islam, quand les musulmans sont devenus forts, il y a des munafiqines qui se sont cachés derrière l'islam pour protéger leurs intérêts seulement. Mais Abdullah ibn Abbas a rétorqué. Abdullah ibn Abbas est un savant, malgré son jeune âge. C'est pour ça Omar radiallahu anhu l'aimait énormément et le rapprochait de lui et il le faisait entrer avec lui dans les assises des grands. Et ça, ça ne se faisait pas chez les Arabes. On ne ramène pas un enfant dans une assise où il y a les dignitaires, les grands des tribus. Lakin, ceux qui pouvaient faire cette exception, c'est les enfants qui sont comme les grands, voire meilleurs. Et Abdullah ibn Abbas était ainsi. Et des fois, Omar radiallahu anhu, il lui posait des questions, et il posait des questions dans l'assise, et il demande aux gens, et celui qui répond, c'est Abdullah ibn Abbas, bien évidemment, pour leur faire comprendre le mérite de cet enfant. C'est un enfant, le Nabi sallam est décédé, il avait 10 ans. 10 ou 11 ans. Radiallahu anhu, lakin, c'est un grand savant. Donc, Abdullah ibn Abbas a dit, si Allah avait accordé ses bienfaits à son prophète, il aurait fait autre chose que ce que toi tu fais. Et allez, tu ne les distribues pas, tu ne les donnes pas aux musulmans pour qu'ils aient une belle vie, pour qu'ils profitent de dunya. L'Anna Omar, il était, Omar radiallahu anhu, était dans l'ascétisme, dans Zuhd. Il ne tirait pas profit de ces choses-là. Omar s'est mis en colère. Et il lui a dit, dis-moi alors, qu'est-ce que le prophète sallam aurait fait de ces choses-là? Il a dit, il aurait mangé lui-même et nous aurait donné à manger. Omar s'est mis à pleurer tellement et il a dit, je souhaiterais sortir de cette dunya. Kafafan la li wa la ali. Yani sans avoir quelque chose contre moi ni pour moi. Allahu musta'an. Aussi, il a été rapporté au sujet de sa générosité, beaucoup de choses, yani, entre autres, selon Zayd ibn Aslam, son père a dit, un jour, Ibn Omar a demandé quelque chose à Omar. Zayd ibn Aslam, il rapporte de son père que Abdullah ibn Omar a interrogé Aslam. Aslam, c'était quelqu'un de proche de Omar ibn Khattab. C'est pour ça Abdullah ibn Omar, il l'a interrogé au sujet de son père. Il lui a dit, dis-moi quelque chose au sujet de mon père. Il lui a dit, je n'ai pas vu un homme aussi généreux que après le prophète alayhi salatu wassalam comme Omar ibn Khattab. Donc Omar ibn Khattab était un homme extrêmement généreux, radiyallahu anhu. Et ceci n'est pas étonnant, car les compagnons, radiyallahu anhum, suivaient le prophète, alayhi salatu wassalam. Omar, radiyallahu anhu, c'est le premier qui a mis en place le calendrier pour les musulmans. Et il a consulter les compagnons par rapport à l'année où ils allaient le commencer, la première année dans ce calendrier spécifique pour les musulmans. C'est à son époque que ça a été fait, comme ça a été rapporté de Sahl ibn Sa'd dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Il a dit, après, ils n'ont pas commencé le calendrier avec l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. mais ils l'ont commencé avec l'année où il est arrivé à Médine. Et par rapport à ça, ça a été rapporté selon Saïd ibn al-Musayyib que Omar, un jour, a réuni les gens, les compagnons, les savants. Il leur a dit, il leur a demandé par rapport à quand est-ce qu'on commence le calendrier de l'Hégire. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, lui a dit, on le commence avec le jour de l'immigration du prophète, alayhi salatu wassalam, le jour dans lequel il a délaissé la terre de l'associationnisme et de la mécréance, et il s'est installé dans la terre de l'islam. Et Omar a pris en compte son avis. Et c'est pour ça que le calendrier, il commence avec l'année où le Nabi alayhi salam a fait son émigration. Et regardez, yani, l'importance de cet événement pour les sahaba radiallahu anhum. Le fait d'avoir quitté la terre de mécréance vers la terre de l'islam. C'est un changement dans l'histoire des musulmans et de l'islam. C'est une nouvelle ère qui commence. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. J'ai eu les témoignages de plusieurs personnes qui ont fait l'immigration. Ça a été un changement radical dans leur vie, dans leur foi, et ils ont réalisé des choses qu'ils ne constataient pas auparavant, quand ils étaient dans les terres de mécréance. Et beaucoup disent que, comme si on était endormi, et on ne le réalisait pas, dans nos adorations, avec nos familles, comme si on était endormi, et comme si on s'est réveillé avec l'Hijra. L'Hijra, c'est une ni'ma immense. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la permettre à tout muslim et à tout muslima et de quitter les kuffars et les terres de kufr vers les terres de l'islam. Omar radiallahu anhu a souhaité mourir martyr à Médine. Il a dit Allahumma rzuqni shahadatan fi sabil. Quoi, Allah accorde-moi le martyr dans ton sentier. Et une mort dans le pays de ton messager. Waj'al mawti fi baladi rasulik. Ça a été rapporté par l'imam al-Bukhari aussi. Et effectivement, il est mort martyr, comme nous allons le voir, dans la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, Omar est mort martyr, radiyallahu anhu. On va aborder un dernier point dans ses mérites qui concerne son testament, sa mort et ceux à qui il a délégué la responsabilité après lui. Donc, selon le Miswar ibn Makhrama, il a dit que Omar radiallahu anhu, quand il a été poignardé par l'ennemi d'Allah, Abu Lu'lu'a al-Majusi, qui était un esclave de Al-Mughir ibn Shu'ba, un sahabi, quand ils ont conquis l'empire perse, ils ont eu des esclaves, parmi eux il y avait cet homme-là. Et les musulmans avaient tué des membres de sa famille, donc il avait une haine contre Omar radiallahu anhu. Et depuis qu'il est venu à Médine, il n'attendait que l'occasion pour le tuer. Et il préparait ce couteau, et il y a des anecdotes par rapport à cela, là qu'on va essayer de résumer, inshallah ta'ala. Donc, ça a été rapporté, yani quand Omar radiallahu anhu a été poignardé, comme s'il avait un peu de peur suite à ce qui lui est arrivé. Abdullah ibn Abbas, qui était présent, il lui a dit, ô guide des croyants, il lui a rappelé certains de ses mérites. Il lui a dit, t'es le compagnon du messager d'Allah, et t'étais un bon compagnon pour lui, jusqu'à sa mort. Il est mort tout en étant satisfait de toi. Et t'étais le compagnon, car Omar radiallahu anhu, il a beaucoup soutenu Abu Bakr dans sa gouvernance. Il l'a beaucoup soutenu et assisté. Et Abu Bakr, il revenait à Omar dans les décisions importantes. Et c'est pour ça, c'est lui qui l'a désigné comme calife. Abu Bakr a été choisi par les savants de Sahaba, pas à la manière des élections. Les spécialistes. En islam, on n'a pas les élections de cette manière. Nous avons les hommes de science qui choisissent le gouverneur. Si on est dans un hôpital, on veut choisir le président, alors c'est les médecins qui vont le choisir. Pas des gens de l'extérieur ou des gens qui n'ont aucune compétence où on va prendre la voix de tout le monde. Non. En islam, c'est comme ça. Donc, Abu Bakr a été choisi par les savants des compagnons. Omar a été désigné par Abu Bakr radiallahu anhu. Et Omar a choisi 6 hommes. Il n'a pas désigné une personne pour diriger après lui. Mais il a choisi 6 personnes afin que celui qui va gouverner après lui soit une de ces 6 personnes et qu'ils doivent se concerter entre eux sur son choix. Et il ne doit pas être quelqu'un en dehors de ces 6. Donc, il lui a rappelé ces mérites-là, qu'il était avec Abu Bakr radiallahu anhu, également un bon compagnon, et qu'Abu Bakr est mort tout en étant satisfait de Omar radiallahu anhu, et qu'il était le compagnon des autres compagnons après la mort de Omar, et que tous y sont satisfaits de lui. Omar a dit, quand Abu Ibn Abbas lui a rappelé ses mérites, il lui a dit, ce que tu as cité de ma compagnie avec le prophète, alayhi salatu wasalam, ça c'est un pur bienfait d'Allah sur moi. Et ce que tu as dit de ma compagnie avec Abu Bakr, c'est un pur bienfait d'Allah sur moi. Et ce que tu as vu de ma peur, c'est pas par rapport à ma personne, c'est par rapport à toi et à tes compagnons, c'est-à-dire une peur pour les musulmans après lui. Il avait peur qu'il se divise et qu'il se déchire, radiyallahu anhu arda. Et il a dit par rapport à sa personne, pour yani, faire face à ses mérites qui ont été cités, à ses éloges qui lui ont été dits, il a dit, j'aimerais, si j'avais toutes ces montagnes, toutes les montagnes de la terre, en or, je les aurais données pour me racheter du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de le rencontrer. Abu Lulu al-Majusi, cet ennemi d'Allah, il a tué Omar, comme on a vu précédemment dans Salat al-Fajr, il l'a poignardé 2 fois. Jusqu'à ce qu'il a déchiré ses tripes, ses intestins. Omar radiallahu anhu, quand il a été touché par cette épreuve, regardez ici. Il a été touché par cette épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué tout de suite Abdullah ibn Abbas. Bien évidemment, il a demandé à Abdurrahman ibn Auf de diriger la salat, car il n'était plus capable. Et il a convoqué Abdullah ibn Abbas, il lui a demandé. Il a eu peur que ce qui lui est arrivé, c'est à cause d'un péché qu'il ne connaît pas. Regardez, les croyants, il lui arrive un malheur, il remet ça sur ses péchés, sur sa faute, sur sa personne. Il ne dit pas les autres m'ont fait. S'il m'est arrivé cette épreuve et que j'ai été poignardé dans la salade, c'est peut-être un péché que j'ai fait. C'est pour ça le croyant, il voit ses péchés dans tout ce qui lui arrive et tout ce qui le touche comme épreuve. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tout ce qui vous touche comme épreuve, c'est à cause de ce que vos mains ont semé. Donc il a convoqué Abdullah ibn Abbas et il l'a envoyé pour demander aux gens, pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui est reproché à Omar radiallahu anhu, est-ce qu'il a fait un mal qu'il ne connaît pas. Et Abdullah ibn Abbas, il s'est renseigné, il a demandé, il a vu, tout le monde pleurait Omar suite à ce qui lui est arrivé, comme ils pleurent leurs enfants en bas âge. Et ensuite Omar, quand il a vu qu'il n'y avait rien, il a dit « Qui m'a tué ?» Ils ont dit « Abu Lu'lu al-Majusi, un esclave de l'Mughira ibn Shu'ba. » Abdullah ibn Abbas, il a dit, quand on lui a dit ça, « J'ai vu la joie et le contentement sur son visage. » Il a dit « Alhamdulillah alladhi lam yabtalini » Alhamdulillah alladhi lam yabtalini ahadun yuhajjuni biqawli la ilaha illallah. Il a dit alhamdulillah que celui qui a commis ça, c'est pas quelqu'un qui dit la ilaha illallah. Alors que je vous ai conseillé de ne pas nous ramener ces mécréants. Mais vous avez pas écouter mon conseil. Et ensuite il a dit, convoquez-moi mes frères. Ils ont dit qui? Et il a cité six. Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc les six. Et les six sont tous annoncés au paradis. Ils font partie des dix. Donc, ils étaient convoqués, ces six, parmi les sahaba. Il a dit, pour moi, vous êtes les meilleurs des gens. Il y en a les meilleurs des sahaba. C'est les dix annoncés au paradis. D'une manière absolue. Abu Bakr dans l'ordre. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Et après, il n'y a pas d'ordre entre les autres. Mais ils sont tous meilleurs que le reste des compagnons, radiallahu anhum. Donc, ils lui ont convoqué les six, et il a dit qu'ils sont les meilleurs des gens, et que je veux que vous vous concertez entre vous, et que vous choisissez un pour me succéder. Et il les a mis en garde contre la divergence entre eux. Et la division. Et quand Abdullah ibn Abbas, il a dit, quand je l'ai entendu mettre en garde contre la divergence dans l'opinion, j'ai su que ça allait arriver. Effectivement, ses six compagnons se sont concertés et Abdurrahman ibn Auf, il leur a dit, écoutez, moi je ne souhaite pas succéder. Je ne souhaite pas prendre cette responsabilité. Moi, je sors des six. Lakin, donnez-moi la possibilité que ce soit moi qui va choisir celui qui va gouverner. Mais je ne veux pas gouverner. Et Omar radiallahu anhu, il leur a demandé de se concerter entre eux, mais de consulter aussi les émigrés et les ansars et les soldats des muslimines qui étaient présents. Il a cité ces trois. Après sa mort, ou juste avant sa mort, il a demandé à ce qu'on lui ramène un verre de lait. Il l'a bu, et le lait est sorti de ses intestins, de son ventre. Il a su qu'il était mourant. Yani, qu'ils étaient déchirés. Il a su qu'il allait mourir. Radiallahu anhu arda. Donc ensuite, Abdullah ibn Abbas, Omar radiallahu anhu, est resté 3 jours comme ça. Il est mort le 3e jour après avoir été poignardé. Vers la fin de sa vie, Abdullah ibn Abbas lui a rappelé encore ses mérites, comme ceux qu'on a cités précédemment, et quand il les a cités, Omar radiallahu anhu, il lui a dit, celui qui est leurré, c'est seulement celui qui est leurré qui va écouter ces choses-là, et qui va être trompé par ces choses-là. Et il a dit à Abdullah ibn Abbas, est-ce que tu témoigneras devant Allah avec ce que tu as dit? Il a dit oui. Il a fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à son fils Abdullah ibn Umar de mettre sa joue contre le sol. Abdullah ibn Umar, il l'a posé sur sa jambe. Il lui a dit, mets ma joue contre la terre. Effectivement, il a laissé sa tête sur la terre et il a dit, malheur à toi et malheur à ta mère, ô Omar, si Allah ne te pardonne pas. Et ensuite, Allah a pris son âme. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé tous ses mérites et lui a permis de finir sa vie avec le degré du martyr. Omar ibn al-Khattab est un martyr, comme Uthman radiallahu anhu. Par rapport à cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hassan al-Basri, quand on lui a cité ce que Omar a dit vers la fin de sa vie, et on lui a cité sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit c'est ainsi qu'il est le croyant qui réunit une bienfaisance dans les croyances et dans les actes et dans les paroles, une bienfaisance et une crainte. Inversement, l'hypocrite, il réunit le mal et l'inattention et l'imprudence. Et il a dit, Al-Hassan al-Basri, par Allah, je n'ai jamais vu dans ce qui a précédé, non plus dans ce qui va venir, je n'ai jamais vu un serviteur dont les bonnes actions augmentent sans que sa crainte d'Allah augmente. Et je n'ai jamais vu dans ce qui a précédé, ni dans ce qui est à venir, un serviteur dont le mal augmente sans que son inadvertance et son insouciance augmentent. Allahu Akbar. Voilà mes frères, sur ça nous allons nous arrêter aujourd'hui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et demain inshallah nous allons commencer avec les mérites de Uthman ibn Affan رضي الله عنه والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته